idée. On l'a eu avec notre porte-monnaie. Alors tout va nous fuit à la chaos. C'est nous qu'on va tout sur le chaos. Sale con, y'a pas nous traiter de poser. On est des punk rockers, on fout les doigts dans ta sœur. On est des punk rockers, on fout les doigts dans ta sœur. We are pop, we are pop, we are. Ouais, c'est juste s'éclater. Peu importe la gueule qu'on a à se trimballer. Alors vas-y, détends-toi, ouais, enfin tu verras. Qu'on n'est pas, oui, les patrins que tu crois. Tu vois, tu ouvres ta gueule, vraiment pour que dalle. Tout ça pour une putain d'histoire de futal. Maintenant fais comme nous, arrête de jouer au schlag. Fous ton père sur tes pompes, sors ton pantaswag. Fous ton père sur tes pompes. Oh, préfère les sacs à filles. En sous du jeu.